La chambre de Méduse par Eric Arasim. Des cercles angulaires au jardin de Méduse, nos pas effleurent en sourdine les allées de calcite, menant à cette perspective infinie des avenues de Messine, bordées de frontons délabrés sur lesquels s'inscrivent ces lourdes figures de pierre, portraits de discorde, effroi anatomique, d'un œil maléfique jeté sur nous, dur et glaçant, rigide et pourtant inutile, minéral et aveugle. L'inquiétude naît de Gorgo, l'effroyable, qui nous pétrifie de nos propres doutes, ou toute certitude, dans ces univers domestiques étouffant de conformisme, architecture prodigieuse des destins brisés, sans éclat. Peut-être que de la fange naissent non pas des lotus, mais des monstres antiques qui se nomment macula. Ils salissent le blanc du papier ou les draps de l'autel. Testament des morts qu'on admire aujourd'hui, sous les traits d'inquiétantes stars, échappées d'un film d'épouvante qui se dissimule sur nos écrans. La terreur est de mise, la ruse foudroie. Une fin en un clin d'œil ou en un clap de ciné. Comme privées de tête, ces sculptures acéphales hantent nos épouses accrochées à leurs séries. Elles s'accordent ces moments de frayeur. L'âge baroque favorise le retour de Méduse, son éternelle vie de monstre, jouissance et réjouissance de cette hideuse créature aux cheveux mouvants qui fit tomber le Caravage d'une brutale séduction. Elle sommeille en nous à chaque heure de la journée pour mieux nous pétrifier de son regard sournois. Un réveil douloureux, une expression heureuse, une pure invention ornementale inscrite sur un bouclier, affirmation de sa virilité de femme dominante. Sans doute une ombre éprise d'elle-même. C'est ici que pullulent les aspics, dans cette tignasse grotesque. En l'absence de coiffeurs, prêts à décapiter ces reptiles au sommet de la Gorgone. Sur elle, nous ne pouvons remporter qu'un triomphe apparent, car elle ensorcelle de ses pupilles dilatées, plus ambitieuses que jamais, à semer la discorde entre les hommes, pour mieux les pétrifier de son pouvoir d'envoûtement, usant de ses charmes certains, assurément, et pour les siècles des siècles. Ici se termine La chambre de Méduse par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistrée par Christian Johan sous licence CC BY NC ND.